Une fatigue. Oh, mais quelle fatigue! Je me suis endormie après le déjeuner, comme il m'arrive parfois les jours de répétition, et je m'éveille si lasse. Je m'éveille comme si j'arrivais des confins du monde, étonnée, triste, pensant à peine, l'œil hostile à mes meubles familiers. Un réveil, en vérité, pareil au plus affreux des temps où je souffrais. Mais puisque je ne souffre pas, pourquoi? Je ne puis bouger. Je regarde comme si elle ne m'appartenait pas, ma main pendante. Je ne reconnais pas l'étoffe de ma robe. Qui m'a découronnée pendant que je dormais de mon diadème de cheveux roulé autour de mon front comme les tresses d'une grave et jeune cérès? J'étais un jardin. Le ciel couleur de pêche rose au couchant. Une voix enfantine, aiguë, qui répond aux cris des hirondelles. Oui, et ce bruit d'eau lointaine, tantôt puissant et tantôt assoupi. Le souffle de la forêt. J'étais retournée au commencement de ma vie. Tant de chemin à faire pour me rejoindre jusqu'ici. J'appelle le sommeil enfui. Le sombre rideau qui m'abritait et qui vient de se retirer de moi, me laissant frissonnante et comme nue. Les malades qui se croient guéris connaissent ces reprises du mal. Elles les trouvent puérilement étonnées et plaintifs. Mais je croyais que c'était fini. Pour un peu, je gémirais à voix haute, comme eux. Funeste et trop doux sommeil qui abolit en moins d'une heure le souvenir de moi-même. D'où reviens-je et sur quelles ailes pour que si lentement j'accepte, humiliée, exilée, d'être moi-même, Renée Néret, danseuse et mime. Est-ce là le but qu'ont préparé mon enfance orgueilleuse et mon adolescence recueillie, passionnée, qui accueillit si intrépidement l'amour? Ô Margot, ma décourageante amie, que n'ai-je la force de me lever et de courir auprès de vous et de vous dire « Mais vous n'estimez que mon courage, et je n'oserais défaillir devant vous. Il me semble que votre viril regard, la pression de votre petite main sèche, gercée par l'eau froide et le savon commun, savent mieux récompenser mon triomphe sur moi-même qu'aider mon quotidien effort. Mon départ prochain, la liberté. Pouh ! La liberté n'est vraiment éblouissante qu'au commencement de l'amour, du premier amour, le jour où l'on peut dire, en l'offrant à celui qu'on aime, « Prenez, je voudrais vous donner davantage. » Des villes nouvelles, des pays nouveaux, entrevus, frôlés à peine, qui se fondent dans le souvenir. Est-il des pays nouveaux, à qui tournent en rond comme un oiseau tenu par un fil? Mon pauvre essor, repris chaque matin, n'abordera-t-il pas, chaque soir, au fatal établissement de premier ordre, que me vantent Salomon et Brague? J'en ai vu tant, déjà, d'établissements de premier ordre. Côté public, une salle cruellement inondée de lumière, où la fumée lourde amortit à peine l'or des moulures. Côté artiste, des cases sordides, sans air, et l'escalier de fer aboutissant à des latrines immondes. Il faudra donc, pendant 40 jours, soutenir cette lutte contre la fatigue, la mauvaise volonté blagueuse des machinistes, l'orgueil rageur des chefs d'orchestre provinciaux, la chair insuffisante des hôtels et des gares. Il faudra trouver et renouveler sans cesse en moi ce trésor d'énergie que réclame la vie des errants et des solitaires. Il faudra lutter, enfin, ah, je ne saurais l'oublier, contre la solitude elle-même. Et pour arriver à quoi? À quoi? À quoi? Quand j'étais petite, on me disait « L'effort porte en soi sa récompense. » Et j'attendais, en effet, après le coup de collier, une récompense mystérieuse, accablante, une sorte de grâce sous laquelle j'eusse succombé. Je l'attends encore. Un tri étouffé de sonnettes, suivi de l'aboiement de ma chienne, me délivre enfin d'une si amère songerie. Et me voici, debout, avec la surprise d'avoir sauté légèrement sur mes pieds, de recommencer facilement à vivre. « Madame, » dit Blandine à mi-voix, « est-ce que monsieur Dufin-Chautel peut entrer ?»« Non. » un instant, poudrer mes joues, rougir mes lèvres et disperser d'un coup de peigne les cheveux bouclés qui cachent mon front. C'est une besogne machinale, rapide, et qui ne demande pas même le secours du miroir. On fait cela comme on se brosse les ongles, par convenance, plutôt que par coquetterie. « Vous êtes là ?» dit Ferrin Chautel. « Vous pouvez entrer. Attendez, je donne la lumière. » Je n'ai aucun embarras à le revoir. Le fait que nos deux bouches se soient touchées hier, infructueusement, ne me gêne pas du tout en ce moment. Un baiser raté, c'est beaucoup moins grave qu'un échange complice de regard. Et je suis tout près de m'étonner qu'il ait, lui, l'air malheureux et frustré. Je l'ai appelé Dufferin Chautel, comme d'habitude, comme s'il n'avait pas de prénom. Je le nomme toujours « vous » ou « Dufferin Chautel ». Est-ce à moi de le mettre à l'aise ? Soit. Eh bien, vous voilà. Vous allez bien ? Je vais bien, je vous remercie. Vous n'en avez pas l'air. C'est que je suis malheureux, ne manque-t-il pas de répondre. Grand serein, va. J'ai souri à son malheur. Son petit malheur d'homme qui a mal embrassé la femme qu'il aime. Je lui souris d'assez loin, par-dessus le chaste fleuve noir où je me baignais tout à l'heure. Je lui tends une coupe emplie de ses cigarettes favorites, un tabac blond et sucré qui sent le pain d'épices. « Vous ne fumez pas aujourd'hui ?»« Si, mais je suis malheureux tout de même. » Assis sur le divan, le dos au coussin bas, il lance machinalement de longs jets de fumée par les narines, j'allais dire, les naseaux. Je fume aussi, par contenance, pour faire comme lui. Il est mieux, nu-tête. Le haut de forme l'enlaidit, et le feutre mou l'embellit jusqu'au rastaquérisme. Il fume, les yeux au plafond, comme si la gravité des paroles qu'il prépare le détournait de s'occuper de moi. Ses cils, longs et brillants, la seule parure féminine et sensuelle de ce visage qui pêche par excès de virilité, batte fréquemment et décèle l'agitation, l'hésitation. Je l'entends respirer. J'entends aussi le tic-tac de ma petite pendule de voyage et le tablier de la cheminée que secoue soudain le vent. « Il pleut, dehors ?»« Non, » dit-il en sursaut. « Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Pour savoir. » Je ne suis pas sortie depuis le déjeuner, je ne sais pas quel temps il fait. Un temps quelconque. René. Il s'est redressé brusquement en jetant sa cigarette. Il me prend les mains et me regarde de tout près. D'assez près pour que son visage me paraisse presque trop grand, avec les détails accusés, le grain de la peau, le coin palpitant et humide de ses larges yeux. Qu'il y a d'amour, oui, d'amour, dans ses yeux-là. Qu'ils sont parlants et doux et entièrement épris, et ses grandes mains qui serrent les miennes avec une force égale et communicative, comme je les sens convaincus. C'est la première fois que je laisse mes mains dans les siennes. Je crois dompter ma répugnance d'abord, puis leur chaleur me détrompe, me persuade, et je vais céder au fraternel, au surprenant plaisir, ignoré depuis si longtemps, de me confier. Sans parole, à un ami, de m'appuyer un instant à lui, de me réconforter contre un être immobile et chaud, affectueux, silencieux. Oh, jeter mes bras au cou d'un être, chien ou homme, d'un être qui m'aime. René, comment, René, vous pleurez? Je pleure? Mais c'est qu'il a raison. La lumière danse, en mille rayons brisés et croisés, dans mes larmes suspendues. D'un coin de mouchoir, je les essuie prestement, mais je ne songe pas à les nier, et je souris à l'idée que j'allais pleurer. Depuis combien de temps n'ai-je pas pleuré? Il y a des années, des années. Mon ami est bouleversé, et m'attire vers lui, et m'oblige, je ne fais pas grande défense, à m'asseoir auprès de lui sur le divan. Ses yeux aussi sont humides, car ce n'est qu'un homme, capable de feindre une émotion sans doute, mais non de la dissimuler. « Mon enfant chéri, qu'est-ce que vous avez ?» Le cri étouffé, le tressaillement qui lui répondent, les oubliera-t-il ? Je l'espère. « Mon enfant chéri. » Son premier mot de tendresse est mon enfant chéri. Le même mot et presque le même accent que l'autre. Une peur enfantine m'arrache de ses bras, comme si l'autre venait de paraître à la porte, avec sa moustache à la Guillaume II, son menteur regard voilé, et ses terribles épaules, et ses courtes cuisses de paysan. « René, ma chérie, si vous voulez me parler un peu. » Mon ami est tout pâle, et ne tente pas de me reprendre. Qu'il ignore au moins le mal qu'il vient innocemment de me faire. Je n'ai plus envie de pleurer. Mes lâches larmes délicieuses remontent vers leur source, lentement, laissant à ma gorge, à mes yeux, une brûlure. D'un signe, je rassure mon ami, en attendant que ma voix s'affermisse. « Je vous ai fâché, René ?»« Non, mon ami. » De moi-même, je reprends ma place à son côté, et timidement, avec l'appréhension que mon geste, mes paroles, provoque une autre exclamation tendre, familière et détestée. Son instinct l'avertit de ne point se réjouir d'une si prompte docilité. Le bras qui me soutient ne veut pas m'étreindre et je ne retrouve plus la communicative chaleur, dangereuse, bienfaisante. Il m'aime assez, sans doute, pour deviner que si je pose sur sa forte épaule une tête obéissante, il ne s'agit pas d'un don. Mais d'un essai. Mon front sur l'épaule d'un homme, est-ce que je rêve? Je ne rêve ni ne divague. Ma tête, mes sens, tout est paisible, lugubrement paisible. Pourtant, dans la nonchalance qui me retient là, il y a mieux et plus que de l'indifférence, et si je joue d'une main distraite et chaste, avec la tresse d'or fixée à son gilet, c'est que, je me sens abritée, défendue, à la manière du chat perdu qu'on recueille et qui ne sait jouer et dormir que quand il a une maison. Pauvre amoureux, à quoi songe-t-il, immobile, respectueux de mon silence? Je renverse la tête pour le voir et je baisse vite les yeux, ébloui, confondu par l'expression de cet homme. Ah, que je l'envie d'aimer si fort! De puiser dans sa passion une telle beauté. Il a rencontré mon regard et sourit héroïquement. René, est-ce que vous croyez que vous m'aimerez un jour, on ne sait pas quand? Vous aimez? Que je le voudrais, mon ami. Vous n'avez pas l'air méchant, vous. Est-ce que vous ne sentez pas que je suis en train de m'attacher à vous? De vous attacher à moi, c'est bien ce que je crains, René. Ce n'est guère le chemin de l'amour. Il a si profondément raison que je ne proteste pas. Mais attendez, on ne sait pas. Peut-être que, quand je reviendrai de ma tournée, et puis, enfin, une très, très grande amitié. Il secoue la tête. Il n'a que faire de mon amitié, sans doute. Moi, je serais bien contente d'avoir un ami moins âgé, moins fini qu'Amon, un vrai ami. Quand vous reviendrez? D'abord, si vous espériez réellement m'aimer un jour, René, vous ne songeriez pas à vous éloigner de moi. Dans 2 mois, comme à 7 heures, c'est la même René qui tendra ses petites mains froides, avec des yeux qui ne laissent pas entrer mon regard, et cette bouche qui, même en s'offrant, ne se donne pas. Ce n'est pas ma faute. La voilà, pourtant, cette bouche. Tenez. J'ai reposé ma tête sur son épaule et je ferme les yeux, plus résignée que curieuse. Puis je les rouvre au bout d'une seconde, étonnée qu'il ne se précipite pas, avec la hâte goulue d'hier. Il s'est seulement tourné un peu vers moi et m'entoure commodément de son bras droit. Puis il réunit mes 2 mains de sa main libre, se penche, et je vois s'approcher lentement cette sérieuse figure étrangère. Cet homme que je connais si peu. Il n'y a presque plus d'espace, presque plus d'air entre nos 2 visages, et je respire brusquement comme si je me noyais, avec un sursaut pour me dégager. Mais il tient mes mains et resserre son bras autour de ma taille. Je rejette inutilement ma nuque en arrière, au moment où la bouche de Maxime atteint la mienne. Je n'ai pas fermé les yeux. Je fronce les sourcils, pour menacer au-dessus de moi ces prunelles qui cherchent à réduire, à éteindre les miennes. Car les lèvres qui me baisent, douces, fraîches, impersonnelles, sont bien les mêmes qu'hier, et leur inefficacité m'irrite. Soudain, elles changent, et je ne reconnais plus le baiser qui s'anime, insiste, s'écrase et se reprend, se fait mouvant, rythmé, puis s'arrête, comme pour attendre une réponse qui ne vient pas. Je remue imperceptiblement la tête, à cause des moustaches qui frôlent mes narines, avec un parfum de vanille et de tabac mielé. Oh, tout à coup, malgré moi, ma bouche s'est laissée ouvrir, s'est ouverte, aussi irrésistiblement qu'une prune mûre se fend au soleil. De mes lèvres jusqu'à mes flancs, jusqu'à mes genoux, voici que renaît et se propage cette douleur exigeante, ce gonflement de blessure qui veut se rouvrir et s'épancher, la volupté oubliée. Je laisse l'homme qui m'a réveillé boire aux fruits qu'il presse. Mes mains, raidies tout à l'heure, s'abandonnent, chaudes et molles dans sa main, et mon corps renversé cherche à épouser son corps. Plié sur le bras qui me tient, je creuse son épaule un peu plus, je me serre contre lui, attentive à ne pas disjoindre nos lèvres, attentive à prolonger confortablement notre baiser. Il comprend et acquiesce d'un petit grondement heureux. Enfin sûr que je ne fuirai pas, c'est lui qui s'écarte de moi, respire et me contemple en mordant sa bouche mouillée. Je laisse tomber mes paupières, je n'ai plus besoin de le voir. Peut-être va-t-il me dévêtir et s'emparer de moi tout à fait. Il n'importe. Une joie irresponsable et paresseuse me baigne. Rien ne presse, sauf que ce baiser recommence. Nous avons tout le temps. Fier, mon ami me ramasse à plein bras comme une gerbe pour me coucher à demi sur le divan où il me rejoint. Sa bouche a le goût de la mienne, à présent, et l'odeur légère de ma poudre de riz. Elle veut se faire une nouvelle, cette bouche savante, et varier encore la caresse. Mais déjà j'ose indiquer ma préférence pour un baiser presque immobile, long, assoupi, le lent écrasement, l'une contre l'autre, de deux fleurs, où vibre seulement la palpitation de deux pistils accouplés. Maintenant, nous nous reposons. Une grande trêve où nous reprenons haleine. C'est moi qui l'ai quitté cette fois et qui me suis levée avec le besoin de tordre mes bras, de m'étirer, de grandir. J'ai pris, pour rajuster mes cheveux et mirer mon nouveau visage, la glace à main, et je ris de nous y voir à tous deux ces traits ensommeillés, ces lèvres tremblantes, brillantes, un peu enflées. Maxime est demeuré sur le divan, et son muet appel reçoit la plus flatteuse réponse, un regard de chienne soumise, un peu penaude, un peu battue, très choyée, et qui accepte tout, la laisse, le collier, la place aux pieds de son maître. Il est parti. Nous avons dîné ensemble, n'importe comment. Blandine a fait des côtelettes en sauce avec des cornichons. Je mourais de faim. Et l'amour comblant tout, hormis, disait-il, pour montrer qu'il a lu Verlaine. La fin du dîner ne nous a point rejetés aux bras l'un de l'autre, et nous ne sommes pas amants, car il est pudique, et l'impromptu me déplaît. Mais je me suis engagée, promise joyeusement, sans coquetterie. Nous avons tout le temps, n'est-ce pas, Max? Pas trop, chérie, je suis si vieux depuis que je vous attends. Si vieux, il ne sait pas mon âge. Il est parti, il reviendra demain. Il ne pouvait se détacher de moi, et j'avais peur de faiblir. Je le repoussais de mes bras étendus, j'avais chaud, et il me flairait avec emportement comme prêt à mordre. Enfin, il est parti. Je dis « enfin » parce que je vais pouvoir penser à lui, à nous. L'amour, a-t-il dit. Est-ce l'amour? Je voudrais en être sûre. Est-ce que je l'aime? Ma sensualité m'a fait peur, mais ce ne sera peut-être qu'une crise, un débordement de ma force bridée si longtemps. Et après, je m'apercevrai que je l'aime, sans doute, s'il revenait frapper à mon volet. Oui, certainement, je l'aime. Je me penche, émue, vers le souvenir de certaines intonations qu'il eut aujourd'hui. L'écho de son petit grondement amoureux suffit à me faire perdre le souffle. Et puis, qu'il était bon et fort et secourable à ma solitude lorsque j'ai mis ma tête sur son épaule. Mais oui, je l'aime. Qui m'a rendue si craintive? Je n'y mettais pas tant de façon lorsque... Sur quelle tombe ma pensée vient-elle imprudemment de buter? Il est trop tard pour fuir. J'ai rencontré une fois de plus ma conseillère, sans pitié, celle qui me parle de l'autre côté du miroir. Tu n'y mettais pas tant de façon lorsque l'amour, fondant sur toi, te trouva si folle et si brave. Tu ne t'es pas demandé ce jour-là si c'était l'amour. Tu ne pouvais t'y tromper. C'était lui, l'amour, le premier amour. C'était lui, et ce ne sera plus jamais lui. Ta simplesse de petite fille n'a pas hésité à le reconnaître et ne lui a marchandé ni ton corps, ni ton cœur, enfantin. C'était lui qui ne s'annonce point, qu'on ne choisit pas, qu'on ne discute pas. Et ce ne sera plus jamais lui. Il t'a pris ce que tu peux donner seulement une fois, la confiance, l'étonnement religieux de la première caresse, la nouveauté de tes larmes, la fleur de la première souffrance. Aime, si tu peux, cela te sera sans doute accordé, pour qu'au meilleur de ton pauvre bonheur, tu te souviennes encore que rien ne compte en amour, hormis le premier amour, pour que tu subisses à chaque instant la punition de te souvenir, l'horreur de comparer. Même quand tu diras « Ah, ceci est meilleur », tu pâtiras de comprendre que rien n'est bon qui n'est unique. Il y a un Dieu qui dit aux pécheurs « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Mais l'amour n'a pas tant de miséricorde. Toi qui m'as trouvé une fois, dit-il, tu me paieras jamais. Tu croyais, en le perdant, avoir tout souffert? Ce n'est pas fini. Savoure, en cherchant à ressusciter ce que tu fus, ta déchéance. Taris à chaque festin de ta nouvelle vie, le poison qui versera le premier, le seul amour. Thank you.